Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous ce matin afin de pouvoir partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu avec vous. Cette parole qui est notre nourriture spirituelle et qui nous aide à avoir les qualités et en tout cas. De Dieu et de refléter vraiment la gloire de Dieu. Donc ce matin, j'aimerais que nous lisions ensemble dans Ésaïe 40, verset 12 à la fin. Donc nous allons lire ça. Donc je lis dans la version du second. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et les animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole. Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et y soude les chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un poids qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait les juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leurs troncs n'ont pas même de racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous? Pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher en ordre leur armée, il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancèlent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole de l'Éternel. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis dans la joie de vraiment me tenir devant vous et pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et l'épisode que nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, nous voyons qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et Ésaïe est le type de prophète qui, je dirais, souffle le chaud et le froid. Parce que quand on lit tout le livre, on se rend compte qu'il y a des paroles, souvent des menaces, il y a des paroles d'assurance, il y a des paroles, en tout cas, dures, et en même temps des paroles de compassion et des paroles vraiment qui amènent à la quiétude. Et dans ce passage est rempli de questions et que Dieu pose pour que les gens puissent réfléchir sur lui, pour que les gens puissent le mettre, pour que l'on puisse le mettre à sa place, pour savoir que en fait il est le seul et il est l'auteur de tout. Donc je m'en vais aussi poser une question et qui sera le thème de notre message ce matin. Et la question est la suivante: les sciences peuvent-elles défier la parole de Dieu? Les sciences peuvent-elles défier la parole de Dieu ou remettre la parole de Dieu en cause? Chers frères et sœurs, et je ne vais pas, bien entendu, faire une explication verset par verset de tous les passages que nous avons lus, mais j'aimerais que nous portions l'attention sur quelques versets, en l'occurrence le verset 15 et le verset 25 à 28, et plus précisément le verset 26. Et quand nous lisons le verset 25, disons le verset 15 du moins, dans la version Luc II, il est dit: voici, les nations sont comme une goutte d'eau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Bien entendu, dans toutes les versions, nous n'avons pas les mêmes termes, surtout la dernière partie du verset. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Donc, dans d'autres versions, vous allez avoir les mots comme pèse et pesé. Vous allez avoir aussi des termes comme se soulève, tout ça. Pourquoi est-ce que je me suis attardé sur cette question? N'est-ce pas que dans notre monde actuel, nous avons tendance à penser que la Bible est dépassée, la Bible n'apporte pas souvent de preuves convaincantes, de preuves rassurantes par rapport à certaines découvertes. Et certaines personnes vont jusqu'à dire que vous, les chrétiens, vous avez un livre qui est dépassé. Donc, pourquoi encore vraiment chercher à être collé à la Bible? Donc, d'autant plus que c'est un livre dépassé parce que c'est écrit il y a longtemps. Ici, où est-ce que je vais en venir? C'est bien sûr l'idée de la rotation de la terre et du mouvement de la terre dans ces versets. Donc, il est vrai que quand on consulte les originaux, on va voir que en fait le mot qui est là, c'est bien sûr pesé, mais sur une balance. Mais et que ce soit peser ou s'envoler ou en tout cas se soulever, donc nous voyons quand même dans cette dans toutes ces idées là quand même une idée principale qui est l'idée de mouvement, donc ce qui veut dire que en fait la Terre oui est en mouvement. Donc et quand les astrologues prouvent que la Terre tourne parce que ils ont les outils, les loupes et autres pour pouvoir observer les planètes, les astres, le fonctionnement et le comportement des planètes. Donc on ne peut pas dire que en fait la Bible ne porte pas aussi un regard sur cet aspect, en tout cas du mouvement, de rotation aussi de la Terre. Parce que d'aucuns s'appuient sur les versets de Psaume 19 qui dit que le soleil, c'est le soleil qui se lève. Donc, et partant de là, donc les gens affirment déjà que bon, ce n'est pas vrai. Et aussi, c'était aussi la tendance de l'Église dans les temps, surtout l'Église catholique, qui statuait que en fait la Terre ne tourne pas. Et vous allez convenir avec moi que Galilée, lorsque il a émis sa thèse qui soutient que la Terre tourne, il a eu tous les problèmes et il a été même forcé à renoncer à sa thèse et parce que bien sûr il y avait quand même une sorte d'ignorance par rapport à toutes les écritures. Donc Galilée, il était convaincu, étant membre de l'Église, donc il était convaincu par ses découvertes scientifiques que, en fait, la Terre tourne. Mais quand il a été forcé à renoncer, mais quand il se retrouvait seul, il disait, mais et pourtant, elle tourne, et pour si mieux veut. Donc, c'est pour dire que, en fait, nous ne devons plus, en tout cas, continuer à rester dans une position, en tout cas, d'empirisme. Donc, pour dire que la Bible manque souvent de preuves scientifiques. Et c'est peut-être vrai en partie quand on se base sur le psaume 19 qui en tout cas, stipule le mouvement du soleil. Donc, ce n'est pas faux. Bon, mais on peut dire que, en fait, l'auteur des psaumes se situe en tout cas dans une position qui en fait soutient l'idée des empiriques, et ce qui n'est pas faux parce que c'est ce que nous pouvons constater de nos yeux. Mais aussi scientifiquement on peut dire que c'est il y a une preuve biblique donc à la rotation de la Terre. Et ce n'est pas tout. Quand on regarde au verset 26, et le verset 26 qui dit « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » Et chers frères et sœurs, ici encore, je ne veux pas m'accrocher forcément à ce verbe qui veut dire qui fait marcher, mais dans d'autres versions, ça peut être traduit autrement. Mais ce qu'on peut retenir aussi dans ce verset, c'est qu'il y a une idée de mouvement des astres qui est révélée dans les Écritures ici. Donc, ce qui montre en fait que Dieu qui a créé ces choses a fait qu'il marche dans un certain ordre. Et d'où chaque astre ou bien chaque planète, le mouvement de chaque planète selon un orbite, son orbite donné. Et c'est un ordre. Et chaque astre suit un ordre qui est précis. Et un ordre qui est précis. Donc, cela montre que, en fait, quand les scientifiques ou bien les astrologues montre que la Terre tourne ou bien les planètes sont en perpétuel mouvement. Donc cela n'est pas en porte-à-faux avec la parole de Dieu, avec la Bible. Et ici, ce n'est pas tout. Lorsque nous voyons l'aspect de la Terre, donc c'est un aspect sphérique, un cercle, et cette même parole nous dit que en fait la Terre est ronde, a un aspect rond. Donc et nous pouvons voir aussi le verset 22 de ce même chapitre qui dit: c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Et bien entendu, quand on parle de cercle, on parle aussi de forme, et d'où une certaine lumière sur l'aspect aussi sphérique de notre planète Terre. Donc, et c'est pour tout cela, c'est pour dire que, en fait, la Bible, même si elle ne donne pas toutes les informations dans les moindres détails, a quand même des signaux, des balises qui peuvent nous aider à comprendre quand même certaines découvertes scientifiques. Et ce n'est pas tout. Et à l'école, nous avons appris le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, et c'est quoi ce cycle-là? Donc, tout commence d'abord avec la mer et les océans. Et les climatologues et les océanologues l'affirment. Et ils disent quoi? Que, en fait, c'est sous l'effet du soleil que, en tout cas, l'eau s'évapore des océans et des mers et est transportée ensuite par le vent en forme de vapeur. Et après, la vapeur transportée va se condenser, et de la condensation, on aboutit aux nuages, et après les nuages, on aboutit en fait aux pluies. Et après, maintenant, la pluie, c'est les eaux de ruissellement et qui vont converger vers les cours d'eau, et des cours d'eau aux fleuves et des fleuves à la mer dans les océans. Et enfin, le cycle recommence. Mais quelqu'un pourrait dire que peut-être c'est scientifique, mais je dirais que c'est une découverte, parce que Dieu avait déjà parlé de ça. Dieu avait déjà, en tout cas, prédit cela par la bouche d'un prophète qui s'appelle Amos. Et Amos, il est qui? C'est un berger. On pourrait dire qu'il n'est rien du tout socialement parlant. Mais Dieu, quand Dieu l'a utilisé, il lui a montré le secret de la pluie. Et quand nous lisons dans Amos 5, le verset 8, nous pouvons voir cela clairement est écrit. Et Amos 9, le verset 6. Donc, si quelqu'un peut trouver ce passage, quelqu'un trouve Amos 5, verset 8 et 9, le verset 6. Il a fondé sa voûte au-dessus de la terre, il convoque les eaux de l'océan et les répand sur la surface de la terre. Son nom est l'Éternel. Amen. Alors, nous voyons clairement établi ici, clairement dit par la bouche du prophète Amos, que c'est Dieu qui appelle, n'est-ce pas, les pluies et les eaux des océans, de la mer, et les répandre sur la terre. Donc ici, Dieu nous donne un avant-goût de ce que nous avons, les hommes ont découvert plus tard, donc et en détail. Parce que Dieu a donné le commencement et peut-être la fin, donc le début et l'aboutissement. Mais les hommes en sont allés de l'avant et ont creusé et ont trouvé tout ce qui est derrière, en tout cas, ce processus. Donc, partant de là, et si je reviens un peu sur aussi l'aspect de la rotation de la Terre. Donc, dans ma version, il a été dit que la Terre, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Et cela m'a poussé à un peu réfléchir. Quand on se trouve dans une maison et que, en fait, il y a des rayons de soleil qui pénètrent, qui rentrent par la fenêtre. Et quand j'y ai réfléchi et en pensant à ce test, ça m'a émerveillé en fait. Parce que quand on observe la poussière, on voit quand même à travers la fenêtre des fines, fines graines de poussière donc, qui sont en train de circuler. Et on peut voir le mouvement en fait, à travers les rayons du soleil. Et ça m'a frappé. Et je me suis dit, ben, Dieu vraiment est merveilleux. Donc, comparer les îles, c'est-à-dire, en d'autres termes, les continents, parce que les îles, quand Isaïe parle des îles, il veut parler en fait des continents donc, qui sont sur les eaux, qui sont fondées sur les eaux. Donc, et ça m'a émerveillé de voir que Dieu compare. Hein, à des choses, la terre a une fine poussière qui s'envole et qui, autrement dit, est en mouvement. Donc, cela est une preuve que vraiment Dieu, la parole de Dieu ne ment pas. Et tous ceux qui qualifieraient peut-être la Bible de dépassée ou bien ne pas contenir des preuves scientifiques, peut-être peuvent se tromper, peut-être et par ignorance. Et peut-être je suis loin. D'explorer tous les aspects qui peuvent m'amener à confirmer que la Bible ne peut pas être défiée scientifiquement, mais compte tenu de tous ces paramètres, tous ces passages que nous avons exploités, donc je peux affirmer, peut-être que bon, même je peux être taxé de manquer vraiment de preuves suffisantes ou élaborées de pouvoir vraiment le prouver. Et bon, chacun a son avis, a sa vision, a sa philosophie. Je n'en disconviens pas, mais ou bien on peut même taxer peut-être de pessimiste, mais je peux affirmer que la Bible reste et restera, demeure et demeurera, en tout cas, le document le plus fiable de tout temps. Oui, je l'affirme encore, la Bible reste et restera, demeure et demeurera la source fiable, la source de référence de tout temps. Donc, elle a, en l'occurrence, elle est par excellence aussi, la source d'inspiration par excellence. Et pour ne pas peut-être trop m'aventurer, quand les jurés sont parmi nous, et peut-être il y a des archéologues, mais quand on parle de justice, et quand on parle de loi, et on ne peut pas ne pas se référer à la Bible. C'est à infirmer les juristes. Est-ce que vous pouvez parler de la loi sans vous référer à la Bible? Jamais. Donc parce que la Bible contient des informations nécessaires en matière de législation et qui puisse aider l'humanité à mieux vivre ensemble. Et en ce sens, elle reste encore et demeure la source d'inspiration fiable. Et les archéologues, et quand on passe par exemple à l'histoire du déluge, l'histoire du déluge, il a été montré après que les résidus, bien certains fragments de l'arche de Noé, ont été retrouvés sur le mont Ararat. Donc, ce qui confirme qu'effectivement, ce que la Bible dit en matière de déluge et que Noé avait construit une arche demeure aussi vrai. Donc, et même des fouilles archéologiques ont prouvé récemment que Sodome et Gomorre ont été des villes réelles et qui ont été vraiment consumées par le feu. Donc les fouilles archéologiques, du moins, ont prouvé tout cela. Donc, comme je l'ai dit, je suis loin peut-être d'explorer tous les domaines et je crois que peut-être les médecins ne diront pas le contraire, les astrologues ne diront pas le contraire et même les politologues peut-être peuvent s'inspirer aussi de la Bible, des exemples bibliques dans l'exercice de leur fonction. Et donc, comme je l'ai dit, la Bible et la science ne peut pas vraiment la défier. Les sciences ne peuvent pas la remettre en cause. Et pour nous chrétiens qui désirons faire les études, donc c'est une mise en garde pour nous, pour que nous puissions faire attention à toutes sortes de philosophies qui pullulent dans les universités ou bien dans les endroits de recherche de savoir ou bien de science. Donc que aucune science, aucune philosophie ne nous pousse à renier notre foi, ne nous pousse à mettre en cause la Bible, ne nous pousse à reléguer la Bible au second plan, parce que elle va toujours nous aider, elle va toujours, nous aider à rester ce que nous sommes et à pouvoir rester ferme aussi dans notre marche avec le Seigneur, à être aussi des modèles, parce que quand nous obéissons à la Bible, nous ne pouvons pas ne pas être un modèle, nous ne pouvons pas ne pas être un objet d'inspiration pour les autres à cause de notre comportement, à cause de nos actions que nous allons poser et qui seront en tout cas teintées en tout cas de la parole de Dieu. Et aussi, c'est à quoi aussi je voudrais en venir, c'est que nous avons vu que Dieu connaît les astres et même par leur nom. Et n'est-ce pas que il a été dit que notre univers comprend plusieurs milliers, voire des milliards de galaxies. Donc, et tous ces astres, toutes ces étoiles, tous ces astres, Dieu, il a été dit que Dieu les connaît par leur nom. N'est-ce pas fabuleux? N'est-ce pas fabuleux, chers frères et sœurs? Que Dieu connaisse tous ces astres-là par leur nom, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et donc, l'application que je peux faire à partir de cela, c'est que si Dieu connaît le nom de chaque astre, et les milliards qu'il soit, donc il connaît aussi notre vie, il nous connaît. Et c'est d'ailleurs ce que le psaume 39 dira, donc il nous connaît bien avant notre naissance. Et même dans le ventre de notre maman. Donc, quand nous ne sommes pas encore nés, il connaît exactement le nombre de jours que nous allons vivre sur terre. Donc, que Dieu nous connaisse de cette façon, donc cela doit être une assurance pour nous. Donc, et nous devons, devant l'adversité, devant les problèmes, devant, en tout cas, les brouillards, et comme le dirait un chant que nous avons chanté lors du culte, et même si notre ciel semble s'assombrir, nous sachons que Dieu est là. Sachons que Dieu est à nos côtés. Et c'est lui qui connaît notre destinée. C'est lui qui connaît notre avenir. C'est lui qui connaît tout dans notre vie et dans les moindres détails. Et il sait exactement où il nous conduit. Dieu sait exactement où il te conduit, mon frère et ma sœur. Donc, et partant de là, donc nous devons faire confiance en un tel Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui contrôle tout, un Dieu qui, en tout cas, est au courant de tout et dans les moindres détails, et celui à qui rien n'échappe, soyons rassurés que nous sommes dans de bonnes mains. Donc, le Seigneur Jésus nous le dit d'une manière ou d'une autre. Donc, que votre cœur ne s'alarme point. Donc, que votre cœur ne s'alarme point. Donc Jésus nous l'a dit, donc, et il nous rassure de ne pas avoir peur et aussi de ne pas s'inquiéter. Parce que Dieu sait exactement là où il nous mène. Donc c'est vrai, les Israélites pouvaient être mécontents, pouvaient se demander, pouvaient se poser beaucoup de questions par rapport à tout ce que le prophète Isaïe leur disait par rapport aussi à leur comportement et les jugements et autres qui pouvaient les atteindre. Mais parmi toutes ces menaces-là, il y a eu des paroles de réconfort, des paroles d'assurance, des paroles qui donnent vraiment de l'espoir. Donc et nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui nous connaît. Donc à nous de lui obéir, à lui, à nous d'être fidèles à sa parole, et lui fera ce qui est sa part. Donc que le Seigneur nous bénisse.